c'est pas la joie dans ces pays où le drapeau est vert de gris. C'est pas la joie dans mon pays, les enfants rois sont en pays. C'est pas la joie, ne les crois pas, même les lois marchent au pas. Mais y a de la joie quand je te vois. Quand je ne vois que toi et moi. Mais y a de la joie quand je te vois. Courir vers moi les bras en croix. C'est pas la joie dans les demeures, les jolis cœurs mis en demeure. C'est pas la joie dans les chaumières, y a trop d'amour dans. C'est pas la joie, ne les crois pas, même la foi fait les 100 pas. Mais y a de la joie quand je te vois, quand je ne vois que toi et moi. Mais y a de la joie quand je te vois. Vers moi les bras en croix. C'est pas la joie, la joie de vivre. On nous doit bien couper les vivres. Même les nantis en éhantissent. Même les géants meurent en coulisses. C'est pas la joie, ne les crois pas. Même les rois pleurent au bois. Let's go.